Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir. La première. Il est 16h. Votre journal Marie-Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. 20 morts, au moins des dizaines de blessés. Le bilan est lourd dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, après la collision de deux trains qui se trouvaient sur la même voie. Cela s'est passé tout près de Corato, au nord de Bari. Le choc a été très violent. Françoise Nice, on ne sait pas encore grand-chose sur les causes de l'accident. Les deux trains avec quatre wagons chacun sont entrés en collision à 11h30 entre les villes de Corato et Andria au nord-ouest de Bari. Ils n'auraient pas dû se trouver sur la même voie unique. Le choc a été très violent. Trois voitures sont comme pulvérisées. Un wagon a quitté la voie. Seules quatre voitures sont restées sur les rails. Les secouristes sont toujours occupés à dégager victimes et blessés. À bord, il y avait des étudiants et des navetteurs, mais on ne sait pas encore combien de voyageurs ni qui étaient à bord. Les familles se sont précipitées, soit aux urgences, soit à la police, pour obtenir des nouvelles de leurs proches. Ce tronçon régional Bari-Barletta de moins de 150 km est exploité par une compagnie privée. Elle dessert la région au nord de Bari. Elle fait du transport de passagers et de marchandises avec une vingtaine de trains. Elle a aussi des autobus. Le Premier ministre Matteo Renzi a promis que tout serait fait pour comprendre ce qui s'est passé. Cet accident est le plus grave accident ferroviaire en Italie depuis 2009. 30 personnes habitant près de la voie ferrée avaient alors été tuées dans le déraillement d'un train de marchandises qui avait pris feu. Cela s'était passé à Viarego, en Toscane. L'Espagne et le Portugal vont-ils devoir payer des amendes à l'Union européenne? Les deux pays ont été épinglés pour ne pas avoir respecté leurs engagements budgétaires. Les ministres des Finances de la zone euro ont enclenché aujourd'hui la procédure de sanction. La Commission a maintenant 20 jours pour recommander au Conseil des ministres des décisions sur des éventuelles amendes. Les deux pays ont quant à eux 10 jours pour réagir et argumenter, cela pour obtenir une réduction de ces amendes. Et Madrid vient d'ailleurs d'annoncer que son pays proposait une hausse de l'impôt sur les sociétés pour éviter la sanction. Cela permettrait de réduire dès 2017 le déficit du pays en dessous des 3% du PIB. La mesure rapporterait 6 milliards d'euros. Un autre montant, chez nous, 650 000 euros, c'est ce qu'aura coûté le déploiement des militaires dans les prisons wallonnes et bruxelloises en mai et juin, des prisons qui étaient alors en grève. Le coût de cette mise à disposition sera couvert par la provision interdépartementale. C'est une réserve budgétaire pour les dépenses imprévues. Les syndicats se montrent très critiques aujourd'hui au sujet du nouveau plan du ministre fédéral de la fonction publique. Steven Van de Putte veut s'attaquer au burn-out des fonctionnaires fédéraux. Il propose pour cela une série de mesures, plus de télétravail, des bureaux satellites à proximité de chez les fonctionnaires, des horaires aménagés ou encore des échanges temporaires avec le secteur privé. À la CSC, on se demande s'il ne s'agit pas là de fausses bonnes idées. Des mesures existent déjà, mais il n'y a pas les moyens pour les mettre en œuvre, affirme le syndicat. La CGSP craint quant à elle que cela ne crée des inégalités entre les travailleurs. On passe au Tour de France, 10e étape aujourd'hui après une journée de repos hier. Samuel Grulois, il reste une cinquantaine de kilomètres. Les 15 coureurs échappés dans la descente du port d'Envalira sont bien partis pour se disputer la victoire d'étape à Revel. Et 6 minutes d'avance, les hommes de tête sont plutôt en ballottage favorable, d'autant plus qu'ils collaborent très bien, sans calculer, alors que le peloton ne parvient toujours pas à vraiment s'organiser. Les Katushas de Christophe ont réalisé une partie de la poursuite, relayée par les Yam, Denger, et désormais ce sont par intermittence les Direct Energy de Coquard qui donnent le rythme, avec toujours en deuxième ligne les Sky, protecteur pour leur maillot jaune Chris Froome, qui surveille à distance, mais d'un œil attentif l'évolution de l'échappée, où l'on retrouve l'Italien de la BMC, Damiano Caruzzo, le mieux classé devant, 25e au général, à 12 minutes 13 de Froome. Aux côtés de Caruzzo, il y a aussi Landa, Izaguirre, Nibali, Sagan, Dumoulin, Van Avermaet, Boasson-Hagen, Cummings, Costa, Galopin, Chavanel et Gurbridge, Impi, Matthews. Une longue liste de 15 coureurs, une très belle échappée, des coureurs talentueux qui ont tous un palmarès. Le final avec la côte de Saint-Ferréol sera explosif. Nous avons passé mirepoix. On espérait des cassures, des bordures à cause du vent. Il n'en est pour le moment pas question. Merci Samuel, et un mot de football aussi. Marc Wilmots restera-t-il au poste de sélectionneur des Diables? Une première réunion a eu lieu aujourd'hui à l'Union Belge pour revenir sur le parcours des Belges à l'Euro de football, faire le bilan, discuter de l'avenir de l'équipe nationale et aussi décider du sort de Marc Wilmots. Des entretiens informels seront organisés avec lui ces prochains jours. Voilà pour les infos, merci pour votre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, c'est avec vous, Olivier. Et effectivement, Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. À l'instar de ces Belges qui se sont fait accueillir à Lille pour le match grâce au hashtag Adopte un Belge, nous pourrions démarrer le hashtag Adopte un Flamand. En Belgique, on fait des offres. Qu'ils parlent français ou bien flamand. Vous êtes française, Audrey? Oui. Ah, ça sonne. Ah, bah, voilà, et du sud? Oui. Ça sonne, hein. D'où ça exactement? De Perpignan? J'ai toujours adoré dire Perpignan. Bon d'accord, la France a perdu l'euro. Hein. Alors, s'ils avaient gagné, on l'aurait su pendant 10 ans. Ils sont toujours parmi de la Coupe du Monde 98. Une barbacane, ça désigne en effet le sentiment de nostalgie qu'on éprouve à l'écoute imprévue d'un vieux tube des années 80. Par exemple, barbacane, où es-tu ? Voilà, ouais. J'ai honte. Ah, c'est pas mal, non, ça. Non, faut pas avoir barbacane. Honte. La barbacane au fond du jardin. Et pendant ce temps-là... Oh non, Raoul, vous n'allez pas cracher quand même. Moi, cracher ? Pas du tout, j'apprends le néerlandais. Et pendant ce temps-là, en Flandre, il faudra parler le néerlandais pour garder son logement social. Ah. Bonjour, je suis Paul Magnette. Ah, vous l'imitez bien. Pour 2017-2018, je vous promets que la Wallonie va changer. Le plus inquiétant, ça reste quand même de se dire que s'ils persistent dans cette voie, les Flamands vont finir par demander à Serge Lama de composer leur hymne national. En Chine, cette situation, cette phrase serait bien passée. Hein. Parce qu'en Chine, cracher, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est bien vu. Alors que chez nous, c'est... bien. Donc, il aurait dit avec l'accent ça chinois, Kirk, voilà. Ça serait la première. Ce serait bien passé. En 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Dans l'imaginaire collectif, les Portugais, c'est plutôt sac de Goldman que Goldman Sachs. Hein. Mais pas pour José Manuel Baresi, hein, qui a su jouer de son sac sa pile hein, pour se rendre désirable auprès de ceux que certains appellent les Illuminanti. Hein. L'ancien président de la Commission européenne a en effet décidé de signer l'entube de l'été en rejoignant les rangs de la grande banque d'affaires américaine, ce qui ne fait jamais que rajouter à la porosité ambiante entre le politique et les milieux d'affaires. Voilà donc José Manuel qui se glisse dans le costume d'un chef de clan de la mafia portugaise. Du coup, on a peut-être déjà trouvé le titre de son futur biopic, Le Parfum. C'est pas mal ça Le Parfum, j'aime bien. Mais rassurons-nous, le fado ne sera pas trop lourd ni trop long à porter, ça va gueuler encore un peu pendant 2 ou 3 jours, puis les gens vont retourner leurs mots et les mots contre les chômeurs et les immigrés. Hein. La routine habituelle quoi. En tout cas, eux ne sont pas prêts d'attraper la grosse tête qui les amènerait à changer de crèmerie. Tous les jours, ils regardent l'actualité par le petit bout du Judas. Voici les fidèles compagnons de route qui m'accompagnent aujourd'hui. José Manuel, un traître. Hein, franchement, il n'aurait pas cru. Faut dire qu'il ne voit jamais le loup d'ici sous la peau du mouton, c'est Corentin Candide. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très très très très bien. Tiens, à première vue, on dirait qu'il porte une veste en solde. Sauf qu'il n'est pas encore là. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a une veste en solde. Mais quand on la retourne, cette veste, on s'aperçoit qu'elle est à la solde. Eh bien, la solde de l'irrévérence. C'est Pierre Charette qui sera avec nous dans un instant. Bonjour Walid. Bonjour. Si je suis là, je vais vous faire des blagues sur les nécrophiles nazis. Jamais, au grand jamais, il n'ira grossir les rangs des glabres de tout poil. C'est Manu Di Pietro. Bonjour. Bonjour. Personne ne veut voir ce qu'il y a en dessous. Ah, non. Tiens, si ça tombe en coulisses, il y a des groupes de presse et le FN qui vont monter les enchères pour s'attacher. C'est Sévis, c'est Vincent Flibustier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Lui, vegan, jamais. Jamais vous ne le verrez vegan. Hein. Pour ça, il faudrait vraiment qu'il ait mangé beaucoup, beaucoup de vaches complètement folles. C'est Raoul Reyers. Bonjour. Mais écoutez, j'aime tout. Moi, je mange de tout. Ah. Des fruits, des légumes, du poisson. J'aime beaucoup le poisson. Vous mangez équilibré. Mais je ne mange pas d'enfants. C'est vrai. Raoul est plutôt facile vegan. Ouais. Il y a à la préparation de cette émission, celle qu'on embrasse et qui a préparé donc cette émission de Main de Maître pour vous, c'est Tissam Aouachour, et celui qui réalise cette émission n'est autre que Daniel Chèque. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci à vous d'être que de... hein, comme ouais, le chroniqueur du jeu. Presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Je suis en train de terminer le pendant ce temps-là. On peut dire qu'il sera tout chaud. Bah, c'est-à-dire qu'il sera tout chaud. Vous avez bulé ce matin. Livré, vraiment. Il n'est pas encore livré. Non, pas encore livré, mais qu'il arrive. Presque livré. Et il y aura du. On va savoir ce qui va se passer avec Marc Wilmot. Oui, oui, ça vaut le coup. Hein. Alors vous avez été chaud sur l'actu. Je vais déjà faire un teasing. C'est-à-dire qu'on a appelé un marabout pour savoir ce qu'il allait devenir, Marc Wilmot. Est-ce qu'il reste ou il part ? Ce sera. Voilà. Vous pouvez dire qu'on en a appelé plusieurs, mais comme on n'avait pas payé. Ils ont décliné. Bon, durant cette heure et demie, on parlera de Henri de Lesquen, un honnête homme. Oui, on parlera de dénonciation au fisc et de Pokémon. Et puis de l'après-euro, après qu'il soit arrivé, ce sera avec Pierre Chorette qui sera avec nous. Et puis je vous invite à jouer avec l'actualité également. C'est le maître mot de cette émission. Passez un bon moment dans la joie et dans la bonne humeur. Docteur Panique, c'est ce que nous vous offrons. Inscrivez-vous d'ores et déjà où que vous soyez. Participez avec nous au qui a dit, le qui a dit du jour. Je vous le donne en mille, le voici. Je ne saurais être plus clair. Je ne saurais être plus clair. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? À vous de le déterminer. CPS au 60-31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Petit Sam vous tire au sort dans une petite vingtaine de minutes. Elle vous fera un bel accueil et puis vous viendrez participer avec nous avec des propositions que nous vous ferons. Propositions, il y en a deux. Deux morceaux d'actualité pour les reconnaître. Tendez l'oreille, voici la une du jour. C'est la une. Très très bon ça. Ah, vous avez reconnu les deux morceaux. Raoul Reyers. La compagnie créole. Oui, deuxième. On est en vacances. Et le deuxième ? Yannick Noah. Non, pas Yannick Noah, c'est l'autre, Zion là. Youf. Zion Youf. Oui, oui. Hein. Effectivement, un ancien coréen du Nord. Un cousin de Bob Marley, je crois. C'est vrai, ben, du Nord en fait, un coréen du Nord. Ouais. Effectivement. Bon, si on démarrait avec la compagnie créole. J'ai envie d'être en vacances. Alors, de quoi s'agit-il ? On peut le dire tout de suite ? Alors, je peux le dire tout de suite ou j'attends un peu ? Je l'ai aussi. Non, alors moi je vais le dire tout de suite. Eh bien, laissez les auditeurs profiter de ce morceau. Ouais. Maintenant, vous pouvez y aller. Alors, ouais, les douaniers armés vont passer un examen mental. Effectivement, suite à un incident survenu à Zaventem en mai dernier, le SPF Finance a décidé de soumettre tous les douaniers qui portent donc une arme en Belgique à passer un examen mental. Un des douaniers avait menacé un collègue avec son arme de service et la direction avait alors confisqué les pistolets de 33 agents armés. Tout ça pour un bifi. Voilà, une enquête interne a mis au jour donc quelques problèmes autour de plusieurs personnes. Et voilà. Mais c'est l'euphémisme, mais lourd. Trois personnes ont été placées dans d'autres services de la douane et ne peuvent donc désormais mener que des tâches administratives et donc plus portée d'armes. Mais il devait passer un examen mental en entrant dans la police déjà. Non, on peut pas la douane là. Les douaniers ne sont pas des agents de police. C'est pas des agents de police, c'est juste des fonctionnaires. Ouais, donc, ceux qui ne reverront pas leurs armes avant septembre devront d'abord se soumettre à un examen mental et en cas d'échec au test, les agents évolueront vers un autre service. Eux devront ça rester dans la cabane. Machin vole votre bifi, est-ce que vous le tirez dessus, oui ou non ? Ça doit être ça. Est-ce que j'ai le droit de... Tiens, est-ce que vous savez d'où vient l'expression crétin des Alpes? Ben, par le manque d'oxygène en hauteur dans les diode. Alpes. Non, c'est pas ça. C'est le manque d'iode, en partie. C'est manque d'iode. Oui, effectivement. Qui fait la maladie, le crétinisme. C'est ça. Ça vient de l'époque où les montagnards n'avaient pas facilement accès au sel de mer. Ils utilisaient du sel de carrière qui avait pour défaut d'être pauvre en iode. Et donc, y avait un autre problème. C'est que quand il neigeait, les gens ne pouvaient pas bouger. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bah, ils se reproduisaient entre eux. Ah ouais, donc voilà. C'est... Et voilà, entre frères et sœurs. Ça a donné nous. Ouais, voilà. Voilà, ça a donné l'humour et... les Islandais ont des gros problèmes. J'ai vu récemment qu'il y a une application... D'ailleurs, ça doit être un peu bizarre parce que les Islandais ont fait une application smartphone pour détecter la consanguinité quand on rencontre quelqu'un. Oui, pour être certain de ne pas... C'est pas évident parce que vous rencontrez une fille, vous tombez amoureux ou il y a un petit quelque chose qui se passe et puis et là, avec l'application, ah non, désolé, on peut pas, on est cousins. Ah bah voilà. C'est un peu embêtant. J'ai toujours su qu'il y avait un lien entre nous. Voilà, un lien fort. De fait. Donc vous conseillez de manger un kilo de sel par jour. Mais c'est-à-dire qu'il faut éviter de rester trop longtemps en montagne, en fait. Ça doit être ça. Deuxième extrait, écoutez. le cousin éloigné nord-coréen de Bob Marley qui s'appelle Zion Youf. J'adore. Alors, de quoi s'agit-il? Rappelons le titre, Raoul, quand même. Le titre, c'est, attendez que je réfléchisse, No Entry for Illegal Refugee. Alors, c'est facile. Donc, ça ne parle pas de ganja. Non, ça ne parle pas de ganja. Ça parle des réfugiés en Belgique. Oui, mais en Europe. Il y en avait. En Europe. Plus de demandes en 2000 qu'en 2015. C'est pas ça, c'est en Europe que ça se passe. Qu'est-ce qu'en Europe? Les Européens qui ont comme impression que les nouveaux immigrants vont provoquer du terrorisme. Ouais. Effectivement, il y a un lien. Violence. Et immigration, en tout cas, réfugiés, et proportion éventuelle au terrorisme. C'est un sondage. Ah oui, mais il est là, attendez, bonjour. Je l'avais, hein. Moi je l'avais, hein, ouais, cette info-là. Bah, c'est bien, on l'attendait. J'ai amené des chips pour m'excuser. Ah, c'est sympa. En fait, il faut expliquer c'est très radiophonique. Attendez, vous savez qu'on fait une émission radio. Ah bon. Voilà. Bonjour Pierre Charette. Il faut expliquer qu'on est tous dans une pièce différente et qu'on ne se voit pas. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, donc ce sondage réalisé par l'Institut américain Pew Research auprès de 11 494 personnes montre donc qu'une majorité d'Européens estiment que l'afflux de réfugiés sur le continent augmente le risque d'attentats et donc une forte proportion s'inquiète des conséquences pour leur emploi. La proportion atteint un record, par exemple, en Hongrie et en Pologne, 76% en Hongrie, 71% en Pologne, pays qui donc proportionnellement accueilli peu de migrants et dont les gouvernements ont adopté des politiques très fermes à l'égard des réfugiés. Les Allemands, eux, qui ont accueilli le plus important nombre de migrants, sont 61% à partager cette inquiétude, les Italiens 60% et les Britanniques 52%. Paradoxalement, en France, pays durement, lui, frappé par des attentats en 2015, une majorité, 51%, ne partage pas cette opinion. Donc voilà. Tiens, vous savez d'où vient le mot Capharnaüm? C'est du latin. C'est une ville, à mon avis, vers la Turquie, un truc comme ça. Ah oui, pas très loin. Ça a été un peu le bordel à un moment. Perse, à l'époque. C'est un rapport avec Jésus, non? C'est un rapport avec Jésus. C'est Jésus qui arrive à Capharnaüm, voilà. Et qui multiplie les pains. Non, mais c'est vraiment ça. Le mot Capharnaüm désigne en fait un grand désordre qui tire son origine de l'ancienne ville du même nom, Capharnaüm, au nord d'Israël, où Jésus avait trouvé refuge après avoir été chassé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a été assailli par des malades voulant être soigné. Et là, désorganisation de la foule, cohue, c'est ce qui créa l'expression. Depuis l'époque de Jésus, on dit, c'est quoi ce Capharnaüm? Eh bien, voilà. Je pense que c'est moins usité. Je vous parlais un jour de la ville de Bordel. C'est exactement la même chose, c'est une ville synonyme. Un essai, c'est Pierre Charette. C'est où? Dites-nous où c'est. Je vous dirai ça tout à l'heure. En attendant, je vous invite à vous inscrire CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous envoyez ces trois lettres pour repartir avec le jeu Docteur Panique. Nous jouons ensemble au qui a dit, et la phrase du jour, la voici. Je ne saurais être plus clair. Qui aurait pu la prononcer cette phrase? Eh bien, on le découvrira dans un instant. Les infos de 16h30, le top 3 de Raoul Reyers, mais auparavant, nous avons droit au professeur Ercandi. Professeur Ercandi, qu'avez-vous préparé pour nous aujourd'hui? Eh bien, je vous parler d'un honnête homme, Henri de Lesquin. Oui, oui. Un honnête homme. Candidat à la présidentielle française. Marine Le Pen est une femme de gauche. Les gens le savent, mais c'est une femme de gauche. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Litry. Expert Litry, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Litry, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Litry à Wavre, La Hulpe, Wautier-Braine, Gembloux et sur expertlitry.be. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Litry. La première, Mobile Info. 16h18 sur la première, vous êtes en voiture, ou en tout cas vous pensez prendre votre voiture. Les conseils de notre ami Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Bonjour Walid, bonjour à toutes et tous. Alors que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien tout d'abord, un accident vient de se produire, enfin il y a un petit quart d'heure maintenant, sur la 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jésus-Séric. La bande de gauche est encombrée et vous perdez plus ou moins 5 minutes en direction de Bruxelles. Ce n'est pas la catastrophe. Sur le ring de Bruxelles, quelques ralentissements en intérieur entre Zavent et Melcafour Léonard, vous perdez 9 minutes et 8 minutes perdues pour l'extérieur Grand Bigard. Au titre, toujours les problèmes sur le 40 Bruxelles-Ostende, c'est moins grave qu'hier, dans le chantier entre Wetteren et Zouaïna. Donc vers Ostende, vous ralentissez à partir d'Herpemer et vous perdez une trentaine de minutes. Vers Bruxelles, vous perdez 4, 5, 6 minutes, ça dépend un peu, ça fluctue bien évidemment. Et puis il y a des répercussions sur la N9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mel, et là vous perdez en deux étapes, deux fois 10 minutes, plus ou moins bien sûr. Ralentissement sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Rekem, il y a des files entre Albeek et Rekem en direction de la France, et là vous perdez 25 à 30 minutes en direction de la France donc. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Nous sommes presque sérieux, vous êtes presque sérieux, c'est le maître mot de cette émission, vous le savez. Nous vous accompagnons jusqu'au vendredi, 17h30, ce sera la dernière de la saison. On fera une petite fiesta avec un groupe Chico et Mendes que j'aime bien, que j'ai découvert l'année passée. Et on aura peut-être droit à notre petite surprise. Oh. Ah, petite surprise. Quoi? Ah, bah... C'est pas mal d'elle, vous êtes sur la piste. Baby chouchou. Un pain magique. Baby chouchou, oh. Je vais vous la faire venir. Ah. Ça va faire plaisir à Corentin. Je devais venir, mais... Et là, vous coup, êtes certain, parce que vous êtes coutumier des promesses. Non, mais je n'ai pas encore appelé. Écoutez, j'étais là quand il a loué la limousine pour aller la chercher. Blanche, et les Santiago. Ouais, c'est le bus des techs, en fait. Voilà. Tiens, on compte depuis hier un nouvel analyste footballistique qui nous fait déjà oublier Stéphane Poels. Il s'agit de Henri de Lesquen, un expert du jeu de balle au pied, n'est-ce pas, Corentin Candy ? Effectivement, oui, donc on compte depuis hier. Ah, j'allais répéter la même phrase. Henri de Lesquen. Duplessis Cassot, vicomte de Léquin, c'est un candidat à l'élection présidentielle en France, un honnête homme, un notable, qui dans sa chambre s'amuse à faire des petits calculs de coefficients de blancheur des joueurs des équipes de l'Euro notamment. Alors plus besoin de bosser pour être virevoltant et vous esbaudir, je n'ai qu'à le citer littéralement. Alors j'ouvre de très grands guillemets. À l'instar de ce que l'on peut observer dans nos rues, le grand remplacement est déjà accompli dans l'équipe de France de balle au pied. Le coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied est le plus bas de toutes les équipes. On dénombre 61% de joueurs non caucasoïdes contre 39% de joueurs caucasoïdes. Alors, il utilise le vocable caucasoïde, qui est quand même un peu plus large que le terme arien. Caucasoïde, mais qui dit ça au café ? Il parle comme une véritable gonzesse. Que de périphrases, pourquoi ne pas appeler un chat un chat. Alors, je cite toujours, le pays de Galles dispose d'une équipe de balle au pied très majoritairement blanche. La part des joueurs blancs est de 83%. À noter le parcours de l'Islande avec 100% de blancs. Je cite, hein, toujours. Alors voilà, plus besoin de faire des farces et attrapes. En fait, il suffit de lire. Alors, je conseille vivement la lecture du site de sa candidature à l'élection présidentielle pour l'été, sur la plage. C'est vraiment un condensé de gai savoir sur les athées, sur les homosexuels, sur les femmes. C'est nouveau, c'est frais, c'est culotté. Je le conseille vivement, en particulier pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire Mein Kampf, parce qu'ils étaient trop jeunes. Ou dont les parents achetaient des bandes dessinées dégénérées, oui, dégénérées, ou un jeune journaliste d'extrême gauche et un marin au chômage. Hipster, alcoolique, accompagné d'un petit chien arien, visitait le vaste monde pour éduquer des sauvages vivant en haillons et se nourrissant de racines. Alors, Henri de Léquin, il faut savoir qu'il se définit comme un national libéral, à ne pas confondre avec ses ordures de gauche qui étaient en Allemagne, ce groupement de gauchos qui se faisait appeler le national socialiste. Pour Henri de Léquin, national libéral, que l'on pourrait qualifier d'assez décomplexé, le national socialisme, le nazisme, c'était l'extrême gauche, c'était le chaos, c'était la chienlit. Alors le nationaliste socialiste Adolf Hitler, pour Henri de Léquin, national libéral, c'était une véritable gonzesse, une grosse tapiole, un concentré de sensiblerie, limite qui pleure quand le chasseur tue la mère de Bambi. Alors, pour le bon catholique, il insiste beaucoup là-dessus, de Léquin, Adolf Hitler est un crypto-communiste, une gonzesse, un intolérant au gluten, qui s'habille avec des pantalons bouffants et qui joue du djembé. Hitler, à côté de la rigueur, qu'incarne le grand croyant Henri de Léquin, c'est un rastaman, un rastaqueur, un bobo de gauche, un vegan qui se nourrit de légumes bio. Hitler, dit-il, ne me parlez pas de cette fiotte, c'est le fils caché de Che Guevara et d'Arlette Laguiller. Alors si vous nous rejoignez en cours de biais, ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le candidat à la présidentielle française, Henri de Léquin. Je continue, Adolf Hitler, un comique, un amateur. Adolf Hitler, c'est le président de SOS Racisme, c'est le président du LICRA. Adolf Hitler, c'est le Dalai Lama sous l'exomile qui a trop regardé les bisounours quand il était petit. Alors on sent que le mec a un véritable univers. La première mesure de son programme, c'est l'expulsion du jour au lendemain de 2 millions d'immigrés dans les 6 premiers mois. Alors il est à noter que Henri de Léquin, quand on lit Wikipédia, vit en France, mais en fait il est né au Maroc en 1949. Alors il se tâte un peu, on ne sait pas encore exactement s'il va se déporter, il n'a pas encore décidé. Alors je lis son programme en 10 points. Premier point, je supprimerai l'état de droit. Deuxième point, sitôt mon élection, j'abroge le dispositif criminel et arbitraire que représente la législation antiraciste. Il sera à nouveau permis d'évoquer les différences raciales et de critiquer la religion de la Shoah, avec une faute d'orthographe à Shoah. Pardon, mais c'est beaucoup plus drôle que du Coluche. La liberté de discrimination, c'est son point 3, premier des droits de l'homme. premier des droits de l'homme. La liberté de discrimination sera pleinement restaurée. C'est beau, des gens qui ont une passion comme ça. Alors le meilleur du best-of de la crème, à lire sur son site officiel. Je veux promouvoir un racisme républicain positif, sans reproche. Un racisme républicain, un racisme positif. Je suis jaloux. C'est beaucoup la plus punchline, chic. Quoi. Ouais. Jamais on arrivera à sa cheville. Parce qu'on dit souvent Hitler ceci, Hitler cela. Non, mais c'est vraiment lui qui écrit ça. Ah oui, ouais, sur son site officiel. Non, non, c'est pas des nègres pour le coup, non. Effectivement. Alors bon, il faut savoir qu'il écrit ça en 2016, alors que Hitler, ce qu'il racontait, c'était quand même en 1933. Hitler, il est né en 1917 à Lennestadt, sur les ruines d'un champ de bataille. Alors imaginez Hitler bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves de revanche. Même moi, si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une fois, le cast. Donc voilà, sortir les punchlines de Hitler en 1933, c'était un peu fastoche par comparaison. Le faire en 2016, c'est autre chose. Et donc voilà, respect, j'ai trouvé mon maître. Mieux que des proches, mieux que les frères Taloche, mieux que Marc Herman. On a Henri Delequin. Ah ben on va suivre. On l'avait vu dans le petit journal. Ouais, on va suivre. Posté sur Twitter que j'aime beaucoup. Je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, entre guillemets, morts à plus de 90 ans. Ont-ils vraiment vécu les horreurs qu'ils racontent? C'est quand même... Ce mec est formidable. C'est extraordinaire. Mais lui, il n'est pas inquiété par la justice. C'est-à-dire que personne ne l'attaque. On lui a juste bloqué son compte Twitter, mais il est revenu. Il est même jugé trop trash pour Radio Courtoisie. C'est quand même phénoménal. Ce qui est un signe. Ouais, donc on retiendra ce nom, rappelez-le nous. Henri Delequin, voilà. Candidat à l'élection française. Qu'on oubliera très vite après, bien sûr. Il y a même un site belge qui l'a assassiné ce matin. Ouais, bah. Si vous voulez voter pour lui, entourez son prénom. Voilà, c'est ça. Bon, allez, à 16h25, le top 3 de Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Trois titres qu'il fallait impérativement. J'en aurais même six pour le même prix. Ouh, merci monsieur. Trois titres qui vont bien ensemble, comme diraient les Beatles. Dites-nous. Hein, qui vont, moi je trouve que ça va bien ensemble. Le premier c'est Elle m'énerve parce qu'elle crie quand je la frappe. Non. Et je rajouterai, et en plus quand j'arrête, elle continue à gueuler. Le deuxième, il fouettait sa femme à coups de câble HDMI. La précision. Ou comment être branché pour femme battue. Ouais, et le troisième, il prête sa mairie pour un film érotique, l'ex-mère mis en examen, ou comment concilier hobby sur le lieu de travail. Eh ben voilà. Trois titres qui montrent que le monde change, mais pas toujours en bien. C'est vrai, c'est vrai. Le deuxième titre. Faites-vous plaisir. Qui est déjà le quatrième. Tout ça pour le même prix. On voit qu'on est au mois de juillet, c'est les soldes. Si vos enfants s'embêtent en vacances, je leur conseille un concours de lancer de bouses de vache en Russie. Un grand succès en 2016, pas moins de 100 participants. Le record battu est de 46,5 mètres. C'est pas mal quand même. Énorme. Faut dire qu'une bouse de vache, ce n'est pas très lourd. Hein. Ouais. Elles sont séchées, évidemment. Hein. Ça va loin. Vous imaginez. Donc le gagnant gagne sans doute son poids en bouse de vache. Mmh. Comme ça, il peut se chauffer à peu près tout l'hiver. Ouais, c'est pas mal. Et le titre du jour. Numéro 1. Il fallait lire quel titre, Raoul? Il fallait lire Le Tour de mon cul, lisez mon cul, hein, évidemment. Oui, bien sûr. L'autre Tour de France cycliste, je vous en livre le parcours tout de suite. Le départ de l'épreuve a été donné le 8 juillet, à Sachy dans les Ardennes. Après le Fion d'Or, Anus et Chillerot-Bois, les coureurs verront ensuite Sainte-Verge, Tendu, Poil, Vulvose, Chatte, Glandage, La Crotte, Deverge et Sexe, avant d'arriver enfin à mon cul. C'est pas une blague, c'est tiré du journal de France 3. Ouais, absolument, et les gens s'amusent plus qu'au Tour de France. Est-ce qu'on peut le réécouter juste pour vraiment pour la forme, pour qu'on soit vraiment bien précis, si vous souhaitez suivre le parcours du Tour de mon cul. Écoutez, oui, c'est pur le départ de l'épreuve a été donné le 8 juillet à Sachy dans les Ardennes, après le Fion d'Or, Anus et Chillerot-Bois, les coureurs verront ensuite Sainte-Verge, Tendu, Poil, Vulvose, Chatte, Glandage, La Crotte, Deverge et Sexe, avant d'arriver enfin à mon cul. Voilà. Mille un dans l'autre, ça fait beaucoup de kilomètres. Ça, c'est clair. Et je ne pourrais vous rappeler que ce tour wallon, ce rallye wallon aussi, qui faisait rire quand j'étais en troisième maternelle chez les jésuites. C'est quoi? C'était le fameux rallye Mettez l'oncin à nu. Ah, ben vous souvenez de Mettez l'oncin à nu. On oublie encore. Mais non, heureusement, vous êtes notre mémoire vive. Ah, oui. Vous êtes notre disque dur. C'est vrai. En vous, Raoul, il y a l'histoire de la radio, l'histoire tout court. Et justement, nouvelle page de l'histoire que nous allons ouvrir ensemble, c'est celle de l'actualité du qui a dit. Nous jouons ensemble avec cette phrase. Je ne saurais être plus clair. À vous de déterminer parmi les propositions que nous vous ferons dans un instant. Qui aurait pu prononcer cette phrase? CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom, adresse, faites-vous plaisir. À tout de suite. Cet été, la première prend l'air. Mercredi, cap sur Villers-la-Ville. Depuis 30 ans, des milliers de spectateurs se rendent dans les ruines de l'abbaye pour découvrir des spectacles exceptionnels. Cette année, Amadeus de Peter Schaeffer. La première prend l'air. Cédric Wautier vous invite à célébrer les 30 ans de Villers-la-Ville, mercredi, dès 19h, sur La Première. La Première présente Bruxelles fait son cinéma. 13 séances de cinéma gratuites en plein air dans 13 communes bruxelloises. Au programme, entre autres, Fatima, Mustang, Mia Madre, Magic in the Moonlight, du 8 au 22 juillet. Info, bruxellesfaitsonsinema.be. Une initiative de la COCOF organisée par Libération Film avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. La Première présente les concerts d'été des Grignoux. 18 concerts à Liège en juillet et en août. Les vendredis à la Brasserie Sauvenière et les samedis au Café Le Parc. Jazz, pop, chansons françaises, world. Laissez la musique illuminer vos vacances. Tous les concerts sur grignoux.be. Grignoux.be. La Première. 16h30. C'est la première fois que ça nous arrive en deux saisons. C'était superbe. Pile poil. Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Un terrible accident de train dans les Pouilles, au sud de l'Italie, au nord de Bari. Deux trains sont entrés en collision, ils étaient sur la même voie. Il y a au moins 20 morts et des dizaines de blessés. L'impact a été très violent. Certains wagons sont réduits en véritable tas de ferraille. Des dizaines de véhicules de secours sont sur place pour désincarcérer les victimes. Il va falloir être clair et rapide. Demande de l'Allemagne et de l'Irlande au Royaume-Uni au sujet du Brexit. Demain, c'est officiel, Theresa May prendra les commandes du pays. Elle succédera à David Cameron et devra mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Quelle relation envisage-t-elle à l'avenir avec l'Union ? Elle devra donc le faire savoir rapidement. Theresa May a déjà déclaré qu'elle voulait le meilleur accord possible pour son pays. Un ex-politicien européen peut-il éthiquement intégrer une banque comme Goldman Sachs ? La question se pose après la reconversion annoncée de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Quelle reconversion de manière générale pour les politiciens européens ? On va en parler dans Soir Première. Pierre-Yves Meugens recevra dans CQFD à 17h45 deux invités. Isabelle Durand, ancienne vice-présidente du Parlement européen, députée bruxelloise et conseillère communale à Schaerbeek, et Étienne de Calataille, économiste et professeur à l'Université de Namur. Merci Marie, retour dans l'information dans 28 minutes et 30 secondes précisément, ce sera à 17h. C'est presque sérieux, sur La Première, 16h-17h30, avec Walid. Jouons avec le qui a dit du jour, l'actualité que vous avez certainement lue ou entendue sur La Première, eh bien nous jouons avec cette phrase, je ne saurais être plus clair, et nous accueillons pour jouer avec nous Thibaut. Bonjour Thibaut. Ah bonjour Walid, bonjour toute l'équipe. Vous allez bien ? Bonjour Thibaut. Alors Thibaut, vous venez de Gemelle. C'est près de Marche-en-Famenne, ça, non ? C'est près de Maybelline. Gemelle, Maybelline. Oh là là là là. Ça sent les vacances. Bah écoutez. Plus que trois jours, c'est ça ? Ça sent la chemise du docteur Dershade, oui. De quoi ? Moi, je mets les voiles. Ouais, bah écoutez. Donc voilà, c'était juste pour moi. Thibaut, vous faites quoi dans la vie ? Je suis chômeur en fait, je suis en recherche active d'emploi. Et vous recherchez quoi exactement ? Dites-moi tout. Oh, mais je cherche un petit peu dans tout, surtout dans la vente en fait. Ah bah voilà. Je n'ai pas vraiment de qualification. Si vous cherchez un vendeur, eh bien Thibaut est votre homme. Thibaut, nous jouons ensemble avec l'actu du jour et cette phrase, la voici. Je ne saurais être plus clair. Qui aurait pu la prononcer ? Des propositions que nous allons vous faire et la clé pour vous, histoire de passer un été à vous amuser avec ce magnifique jeu. Je vous le dirai dans un instant ce jeu. Des propositions. Raoul. D'abord, je suis un peu ma voyante là, comme je suis là. Ça doit être un Belge. Parce qu'un Français aurait dit « je ne pourrais être plus clair ». Et c'est une femme. « Je ne pourrais être plus claireux ». Donc, une France... Ouais. Peut-être Annie Cordy qui sortait d'une extinction de voix et qui a dit lors de son dernier tour de chant qu'elle s'excusait pour sa voix un peu éraillée. « Je ne saurais être plus clair ». Annie Cordy. Sans doute. Mais je ne suis pas sûr. Ouais. « Je ne saurais être plus clair ». Vincent Flibustier. Eh bien, c'est Claire Chazal. Je ne saurais être plus clair. C'est vrai tout que c'est difficile. Claire Chazal. Ok pour Vincent Flibustier. Corentin Candy. C'est Theresa May. Pardon ? Theresa May. En français, c'est Thérèse Peu. Thérèse Peu. Thérèse Peu, oui. Présidente du Parti conservateur anglais à partir de demain. Theresa May. Manu Di Pietro, qui aurait pu dire « je ne saurais être plus clair ». C'est Charles Michel, après le coup du lama de Geert Bourgeois. « Je ne saurais être plus clair, on peut me chier dans les bottes, mais pas me cracher dessus. Mm-hmm. » Et enfin, Pierre Charette, « je ne saurais être plus clair ». Il s'agit évidemment de ce Henri Delécamp, dont Corentin Candy a parlé, candidat à la présidentielle. La citation complète, « je ne pourrais être plus clair, plus caucasoïde que moi, tu meurs. » Alors, mon cher Thibault, Henri Delécamp. Alors, c'est dingue parce que personne ne prononce correctement son nom. Je ne sais pas du tout comment c'est on prononce. Delescamp, Delescamp, je ne sais pas. Il le dit en fait sur. Je me suis aligné. J'ai passé 3 heures sur YouTube. J'étais hypnotisé. Oui. Donc il le dit plusieurs fois. C'est Henri Delécamp. Delécamp. Oui. Donc voilà, Henri lui, Delécamp. En plus, il se la pète. Voilà. Annie Cordy, Claire Chazal, Theresa May ou Charles Michel, Thibault, procédons par élimination, qui aurait pu dire je ne saurais être plus clair. Bon, c'est pas Charles Michel, c'est sûr. Ok, c'est pas Charles Michel, c'est sûr. Mais je mêle un peu les réponses. Hein, j'hésite, je dirais Annie Cordy, en fait. Ou alors Et si vous choisissiez autre chose, ce serait quoi, par exemple? Il y avait Theresa aussi. Hein. Uh-huh. Ouais, Theresa May, ouais. Ça paraît pas mal, ça. Ouais. Bon, je resterai bien sur Annie Cordy, mais. Mais. Alors. Gérontophile. Oui, c'est ça. Non. Ça me paraît évident, en fait, mais. Alors. Ah oui. Bon, vous me faites douter, hein. Donc, c'est pas notre genre. Alors, vous êtes très bon comédien. Si vous cherchez un boulot en comédie, je vous engage. Ah, oui, éventuellement, ça pourrait m'intéresser aussi. En fait, vous croyez qu'on vous piège quand on vous donne la bonne réponse. La feinte de la feinte. Alors, Thibault. C'est un peu ça. Allez, Theresa. Theresa May, effectivement, oui. Theresa May, je ne saurais être plus clair. C'est Corentin Candy qui a donné la bonne Theresa réponse. Et effectivement, mon cher Thibault, c'est elle qui a prononcé cette phrase. On vous offre le jeu Docteur Panique. C'est ce qu'a déclaré donc celle qui est en passe de devenir la deuxième femme Premier ministre de Grande-Bretagne, Madame Theresa May. Je ne saurais être plus clair. Il n'y aura pas de tentative pour rester au sein de l'Union européenne. Brexit signifie Brexit, et nous en ferons un succès. Voilà, Theresa May qui sera donc demain à Downing Street. C'est bien ça. Eh oui. Ouais. Elle va chanter, elle fredonner une chanson comme David Cameron ou pas? On sait ce qu'il a fredonné, David Cameron. Il y a plusieurs théories, mais on ne sait pas. Aucune qui soit vraiment. Nous vous envoyons du côté de Gemelle, eh bien ce magnifique jeu Docteur Panique. Voilà, vous allez pouvoir incorporer une équipe médicale d'un hôpital le plus réputé de votre région, du côté de Gemelle. Donc, et votre but, sauver en équipe le patient qui arrive sur un brancard avant que le temps ne soit écoulé. Voilà un jeu d'épreuve frénétique, histoire de passer un bel été. Restez-nous fidèles, mon cher Thibault. Restez presque sérieux. Évidemment, merci beaucoup. Merci à vous Thibault, à bientôt. Et dans la suite, tiens, on continue à s'intéresser à l'actualité. Faites comme Thibault, tiens, vous souhaitez repartir avec une clé USB aux couleurs de la première, ainsi que 4 places pour les cinémas Les Grignots. Envoyez ces 3 lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On extraira un mot de l'actualité. Ce mot, on vous proposera des définitions et à vous de déterminer quelle est la bonne définition du jour. Ce sera le presque au jour d'Edico. En attendant, l'actualité, elle n'attend pas. Oui, nous allons parler des Pokémon. C'est ce à quoi la franchise Pokémon aspirait depuis ses débuts. L'invitation au voyage qui encourage les rencontres. Ah, il y eut moins de dénonciations au fisc ces 6 derniers mois de l'année. Hein, et en plus, les fonctionnaires sont souvent en burn-out. Il faut donc ramener du fun et du fric dans l'administration, n'est-ce pas, mon cher Manu? Mais oui, j'ai lu comme vous ce matin que les services des finances ont reçu 1542 dénonciations durant les 6 premiers mois de l'année, soit 44 de moins que l'année dernière, pendant la même période. Et je suis partagé entre la satisfaction de savoir que le Belge a l'air un tout petit peu moins enclin à dénoncer son voisin que l'année dernière. En ces temps plutôt gris foncé que gris clair, Il est plutôt rassurant de savoir qu'il y a moins de risques pour vous, Walid, que votre voisin dénonce le va-et-vient incessant de camions devant votre domicile. Loger 100 Chinois dans votre cave en les faisant passer pour vos cousins était déjà une manœuvre assez couillue, si je puis dire. Mais les faire travailler 22 heures par jour à la fabrication de t-shirts à votre effigie, que vous revendez ensuite 45 euros à la fin des émissions de The Voice, ça va finir par vous griller. Et c'est un bon plan, ça, par contre. Je sais qu'avoir une statue de 20 mètres de vous en or massif place de Brouckère est votre but dans la vie, mais essayez de rester plus discret. J'étais partagé donc, parce qu'hormis le nombre de dénonciations, j'apprends que celle-ci n'influence pas particulièrement les contrôles. Mais alors, qu'est-ce qui influence réellement les contrôles ? L'article ne le dit pas. Et quand je lis dans un autre article que les fonctionnaires sont en quelque sorte les rois du burn-out causé par le stress, je me dis que là, les fraudeurs peuvent continuer à s'essuyer le pet avec des billets de 500 euros. Leur vie va continuer à être un long fleuve tranquille de veuves cliquots. Je dévisais récemment avec vous de la technologie en me demandant si elle nous sauvera du chaos inéluctable qui s'annonce ou si elle va nous laisser croupir à l'état de coprophile pris à pic. Avis de messages Snapchat et de gifs animés de chatons tristes. Et là, ça m'est apparu. Nous avons tous les outils disponibles à notre disposition pour rendre le travail des inspecteurs du fisc beaucoup plus attrayant. Au lieu d'éplucher des lignes et des lignes de documents PDF et de dossiers Excel, il faut rendre tout ça excitant, ludique. Pourquoi ne pas croiser toutes ces données dans un grand jeu grandeur nature comme le nouveau jeu Pokémon Go, dont tout le monde a entendu parler. Alors j'ai déjà le nom, ça s'appellerait Pokémoné. Il suffirait à l'agent de sortir dans la rue et le logiciel lui donnerait des indications sur les endroits où il peut trouver un fraudeur. Franchement, double bénéfice. L'agent est super excité à l'idée de faire son boulot et en plus il prend l'air. Comme dans le jeu vidéo, les fraudeurs, ici appelés les Pokémenteurs, seront divisés en plusieurs catégories et auraient des noms en lien avec leur type de fraude. Par exemple, il y a les Diamantas, que l'on trouve surtout du côté d'Anvers. Ouais. Pas facile du tout à attraper depuis que leur nouveau chef Bartizar est en place. Les France-Afrique, on les trouve plutôt à Bruxelles ou le long de la frontière avec nos voisins du Sud. Pas facile non plus à attraper, ils se déplacent très rapidement d'un pays à l'autre. Les Panamax, eux aussi voyagent beaucoup et changent régulièrement de nom, ce qui les rend presque invisibles et difficiles à détecter. Heureusement, pour aider les fonctionnaires à les trouver, ils portent souvent des vêtements verts, pommes et corail et parlent un peu comme ça au sud du pays. Et comme très écrasé. Et comme s'ils étaient en train de mâchouiller un sanglier au nord du pays. Alors on a aussi les Carolos, anciens mandataires politiques et exclusivement mâles. On connaît mal leur mode de reproduction compte tenu de cette particularité. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Ils sont généralement très rouges, voire violacés, très ronds et avec du poil un peu partout. On les trouve souvent près du bingo, dans les cafés de la ville haute ou sur les places de marché. On peut donc facilement les attirer dans la pokéfouille avec une rochefort triple. Voilà une utilisation de la technologie que j'approuve, mes amis, utile, ludique et pas ridicule pour un seul. Les Pokémenteurs, le Pokémoné, c'est pas mal ça, le Pokémoné. Ouais, c'est une petite application, on pourrait sortir, hein, Manu. Mais ça marche. Mais ils ont retrouvé les chiffres. Alors attendez, c'est effectivement un carton plein pour Pokémon, parce qu'en plus de ça, la bourse, ça fait un. Ça a quasiment doublé. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que surtout, il y a une femme qui joue à ça et elle est tombée sur un corps. Oui, mais ils avaient mis un Pokémon dans une station de police. Donc ils ont été assaillis par des zinzins qui voulaient rentrer dedans. Bonjour, attrapez-les tous. Il y a des commerces qui mettent des panneaux, bon, c'est un peu pour réservé aux clients. Oui, c'est ça, le Pokémon à attraper est réservé aux clients. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un côté intéressant, c'est que je suis passé sur quelques messages Twitter de gens qui disaient « Grâce à Pokémon, j'ai envie de ressortir dans le monde réel et d'aller me balader pour en attraper, alors que j'étais super dépressif et coincé chez moi. » Donc c'est une application que vous mettez sur votre portable. Ouais, c'est qui fait sortir les geeks. Voilà, et qui vous fait sortir à... Bah, c'est un peu la vie des chasseurs de Pokémon, quoi. Oui, voilà. Sauf qu'ils ont le nez collé sur leur téléphone. Voilà. C'est un peu. Il y avait Tinder. Ce qui va en écraser la moitié. Ils ont plus que Tinder et Twitter aux États-Unis. C'est phénoménal quand même. C'est un vrai succès pour Nintendo. Nintendo. Tiens, dans la suite, on joue au presque jeu dédico. Raoul Reyes, on proposera un mot. Oui, vous le voulez déjà? Non, pas tout de suite. On peut pas, sinon, les gens Google. Ah oui, bien sûr, il faut faire attention. Le presque jeu dédico avec un mot extrait de l'actualité de ce 12 juillet que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Une clé USB que nous vous offrons dans la suite ainsi que 4 places pour les cinémas Les Grignoux. Vous inscrivez en envoyant donc ces 3 lettres. CPS au 60 31 75 centimes, le message, nom, prénom et adresse. Toute l'actualité, rien que l'actualité, c'est ici qu'on en parle, mais avec un côté complètement décalé, mais surtout presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. In in the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals, nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai, new thinking, new possibilities. Le Brabant Wallon présente... C'est l'île aux enfants au domaine provincial des Lessines. On va s'éclater avec les clowns, découvrir les Cro-Magnons et cuisiner comme de vrais chefs. Il y aura des manèges, chantiers et plein d'autres activités. C'est à partir de 9h30 et on nous offre même le petit-déj. L'île aux enfants, c'est le 24 juillet. Info sur domaine-lessines.be. La première, Mobile Info. 16h44, retrouvons cette voix, celle qui vous guide. Pas celle de votre GPS, non celle de Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre, rebonjour. Tournez à droite à la prochaine. Eh, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, la voix de Pierre Collard-Bovy dans votre GPS. Alors Pierre, que se passe-t-il sur Nord Audit? Eh bien, tout d'abord, un accident sur la 1411 de Namur-Bruxelles autour de Jésus-Seille, que la bande de gauche est encombrée. Il y a des fils quand même maintenant sur 3 500 à 4 km et vous perdez un gros quart d'heure en direction de Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, deux tronçons sont plus encombrés que les autres, un peu comme hier. 13 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 10 minutes pour l'intérieur, Zaventem, Carrefour, Léonard, toujours ces ralentissements sur le 40 Bruxelles-Ostende dans le fameux chantier, enfin il devient déjà fameux maintenant, de Wetteren à Zweinard, vers Ostende, vous êtes ralenti à partir d'Herpemer jusqu'à Zweinard et vous perdez 40 minutes en direction d'Ostende, vers Bruxelles vous perdez une douzaine de minutes, répercussions sur la Nationale 9 parallèle, venant de Bruxelles, en tout cas non, vers Gand vous perdez 45 minutes et vous perdez aussi 13 minutes dans l'autre direction, vers Alost, perte de chargement sur le 42 Namur-Mons peu avant Dossou. La chaussée est en travers en direction de Mons. Ce sont des barres de métal qui sont répandues sur la chaussée. Et puis toujours ces ralentissements également dans le chantier de sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem. Vous perdez une trentaine de minutes en direction de Lille. Vous avez éternué à rhume ? Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et c'est parti, nous jouons avec un mot, et ce mot, je vous le propose tout de suite, sans plus attendre, ce mot, c'est Aon. Allez, et pour jouer avec nous, eh bien, nous accueillons Amir, qui est avec nous, qui est professeur et qui a 27 ans. Amir, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ah bien, écoutez, je l'entends bien. On l'entend bien, là, vous êtes sur la route. Amir, professeur en quoi exactement, dites-nous tout ? Je suis prof d'histoire. Professeur de quoi ? De profil bas ? J'ai compris ça. D'histoire. Ah ok, d'accord. Marignan ? Vous avez un kit main libre, rassurez-moi, mon cher ami. Oui, bien sûr. Je ne conduis pas avec le GSM. D'accord. Amir. Aon. C'est le mot du jour. On va tenter de le rattacher à une actualité et surtout d'abord vous proposer des définitions pour tenter de découvrir le vrai sens de ce mot. Est-ce que vous le connaissez ou pas du tout ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Je n'ai pas bien entendu. Aon. Ouais, à ne pas confondre avec I-O, ça n'a rien à voir. Mais Aon, c'est le mot du jour. Raoul Reyer, c'est une proposition. Écoutez, c'est très simple. C'est une onomatopée enfantine hurlée par l'enfant qui sort pour la première fois de chez le dentiste. Aon, vous avez compris. Onomatopée qui est dans l'enfant qui sort dans maman, de chez le dentiste. Maman, j'ai mal aux dents. Corentin Cordy, Aon. Non, Aon, du latin Aanus et du grec oui, dis donc. Aon, locution signifiant que l'on s'accuse à de multiples reprises d'avoir omis de souffler sur quelque chose. Par exemple, s'accuser 18 fois d'avoir mis en bouche une croquette de crevette brûlante en omettant de souffler dessus. Voilà. Merci. Merci à tous. C'est un peu la même chose. C'est locution. C'est fini pour moi ce soir. Oui. C'est soufflé, quoi. On va demander à Pierre Charette. Aon. On est un peu dans le même registre, hein. Dites-moi. Ah, vous avez tous crié. C'est pas drôle une fois, mais trois fois. Onomatopée. Hein. Ouais, onomatopée qui exprime le rire dans la commune d'Ucle. Faites-la. Ah, ok. C'est un truc Michel là, Charles. Tout ce talent caché. Un Jackie et Michel, pardon. Et l'autre, il me fait ça, Charles et Michel. plutôt Jackie et Charles Michel. Manu Di Pietro, sérieusement. Bien écoutez, nom masculin qui désigne un effort physique très pénible ou l'onomatopée s'y lier. Ah, pas marrant. Ah, ouais. Et enfin, Vincent Flibustier. Eh bien, Aan, c'est l'action d'aller aux grottes de Aan. C'est la nature en grand. Ah, Monde sauvage des Wild Paradises pour le CS. Moi. Grotte de Aan pour Vincent Flibustier. Mon cher Amir, je vous rappelle la proposition et le mot du jour. Donc, Aan, vous l'avez compris. Alors, s'agit-il d'une onomatopée quand on sort de chez le dentiste, d'une locution, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose de chaud dans la bouche, ou alors le rire huclois, ou alors s'agit-il bien d'un effort physique très pénible, ou enfin enfin des grottes de Aan. J'aimais bien la proposition sur Hucle, elle était intéressante, mais je pense plutôt pour la dernière, celle de Vincent. Les grottes de Aan. C'est l'action d'aller aux grottes de Aan. C'est l'action d'aller aux grottes de Aan, c'est ça? Peut-être, ou alors... j'ai... C'est vrai que... C'est tendu, là. Ouais. Alors... L'effort physique, l'effort physique très pénible, un cri d'essoufflement accompagnant cet effort, l'effort moral, intellectuel ou très pénible, c'est ce que faisait ou ce que fait encore aujourd'hui le bûcheron, hein, quand, ou alors les joueuses de tennis. C'est exactement ça. Et en depuis fait, que Monica Seles est partie. Voilà. Et donc, ce cri est un mot, donc un nom masculin qui désigne cet effort physique très pénible. Et ce cri d'essoufflement, c'est donc gagné pour vous, mon cher Amir. Pour quelle raison on parle de Aan, à votre avis? Quand on parle d'effort, pénibilité, le travail. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, effectivement. Ah, ouais. Steven Van de Putte, le ministre de la fonction publique, qui souhaite donc mettre en place un plan de prévention au burn-out dans la fonction publique. Les fonctionnaires fédéraux sont en moyenne malades 16 jours par Aan. Et dans un cas sur quatre, cela est dû au stress, un excès de fatigue ou un burn-out. Et ce plan propose donc plusieurs solutions. La possibilité de travailler de chez soi ou de... Bureau satellite. Bureau aussi. Satellite, c'est autour de votre bureau. C'est-à-dire que vous n'allez pas au bureau parce que vous n'avez pas envie de voir vos collègues. Mais c'est de juste autour. Vous graviter autour, donc à proximité, ou encore organiser votre temps de travail, voire même travailler de manière temporaire dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'on vous laisse aller travailler chez la concurrence et vous revenez... Voire même à temps partiel. Oui, c'est ça. Donc, c'est gagné pour vous, mon cher Amir. On vous envoie une clé USB, 4 places pour les cinémas Les Grignots. Restez-nous fidèles. Prudent sur la route, Amir. C'est super, je vous remercie. Merci. Bonne journée à vous. Merci, Amir. Et dans la suite, une presque star, mais auparavant, si on écoutait Cocoon, I Can Wait. Ça vous intéresse, ça? Très bonne idée. Très, très bon morceau. Je voulais vous le proposer. Eh bien, vous faites bien de me le proposer. Morceau que vous aurez le plaisir de retrouver le 14 août prochain sur la place des Palais dans le cadre de Brussels Summer Festival. Voici Cocoon. Strawberries, chantilly cream, gingerbread. For every meal, chili dogs. A soccer team running up and down the hill. Care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the summer. Wait. Ils seront en concert également le 20 octobre prochain au Reflector à Liège. Plus d'infos sur le site de la première, lapremière.be. C'est presque sérieux sur la première. Une presque star, sans plus attendre, vous savez que nous aimons mettre en lumière des anonymes, et c'est le cas de notre presque star du jour. Alors, il répond au doux prénom de... il va me le dire lui-même, hein. Il s'appelle comment ? Roger. Bonjour à tous, Christophe Lesage. Christophe, alors pour quelle raison on parle de vous, Christophe ? Parce qu'il est sage. Eh bien, il ne va pas le dire à lui-même, puisque je vais vous proposer de me faire des propositions. Voilà, effectivement. Je ne réponds que par oui ou par non à vos questions, les amis, c'est parti. Gagner quelque chose ? Non. Il est dans le social, Christophe. Oui, c'est une ASBL, oui. Ah, oui. Est-ce que c'est une ASBL qui s'occupe des enfants ? Non. Est-ce que ça a un lien avec l'actualité ? Non. Est-ce que ça a un lien avec les personnes âgées ? Non plus, non. Avec la saison, l'été, les vacances ? Non, non. Avec les animaux ? Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose, oui. Est-ce qu'il a créé un produit ou... C'est un service. C'est un service. On peut l'acheter ou... Pardon ? Est-ce qu'on peut l'acheter ? C'est-à-dire que ce n'est pas un produit. Est-ce que c'est pour les pauvres ? Non, mais il y a un lien. Il y a un lien. Donc, il travaille. Est-ce qu'il récolte de la nourriture ? C'est de la saucisse de pauvre. Non, ce n'est pas de la nourriture. Est-ce qu'il travaille dans une ASBL connue pour aider les pauvres ? Oui. Est-ce que c'est les petits riens ? Oui. Ah, oh, il fait un truc au petit rien. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Oui, c'est quoi cet événement ? Ouf, ça c'est plus compliqué. Alors tout le monde peut participer. Il y a un défilé chaque année. Un défilé ? Le défilé petit rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si vous dites défilé, vous dites créateur, photographe. Il prend en photo les gens qui amènent des choses au petit rien. Non. Il photographie le défilé. Il achète des gens. Non. Il ne photographie pas le défilé ? Non. Il ne photographie rien ? Non. Il photographie des mannequins qui portent les vêtements du défilé ? Et effectivement, Raoul Reyers. Voilà, comment lier l'art et le social tout en faisant une bonne action. Qu'est-ce qu'il y a, madame Di Pietro ? Il s'insurge. Non, vous avez tourné autour du pot. Oh non ! C'est Raoul Reyers qui a donné la bonne réponse. Effectivement, un événement socio-culturel qui se déroulera donc dans les locaux de l'ASBL, les petits riens, du côté de Namur, le 8 octobre prochain, de 11h à 15h. Donc, un studio qui sera monté sur place, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu l'objectif et les objectifs. Alors, l'objectif, c'est d'accueillir tout le monde qui voudrait participer à l'événement, porter les vêtements mis à la vente par les petits riens, et moi, je monte le studio sur place pour les prendre en photo. Et tout ça, justement, pour promouvoir les actions sociales que les petits riens font pour tous les gens démunis. Et donc, ce studio servira de décor, donc, comme vous l'avez dit, pour prendre en photo les clients désireux d'essayer les vêtements mis à la vente à des prix démocratiques. Et les participants verront leurs photos sur la page Facebook dédiée à cet événement. Et c'est quand fait. C'est, quand c'est le 8 octobre, de 11 à 15 heures. Vincent voudrait être maintenant. Oui, mais moi, j'étais namurois, c'est derrière la gare, à Baumel, c'est ça, les petits riens. Exactement. Et vous êtes tous invités, le 8 octobre. Hein. On va venir, le 8 octobre, on viendra faire des photos. Avec Vincent Flibus. Moi je viens. Non mais moi quand je dis quelque chose. Ah mais je sais bien, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais vous avez un agenda qui se remplit de jour en jour. C'est plus possible. Vous n'avez pas l'opportunité de dire que vous ne pouvez pas. Vu que c'est le 8 octobre, rien n'est planifié pour l'instant. Ah si vous connaissiez ma vie, je peux vous dire que je peux déjà. Il anime une soirée en 2018. De mémoire, je peux vous dire ce que je fais déjà même en juin 2020. C'est pas The Voice ? Non, en octobre, non. Walid fait les armes. C'est fin novembre. Mais on sera des vôtres. Rassurez-vous, donc un shoot pour rien. Attention, ce nom est quand même un peu ambigu, je trouve. Un shoot pour rien, c'est un peu. Il y a la drogue. C'est ça. Mais en tout cas, c'est en partenariat avec l'ASBL et les petits riens. Vous étiez notre presque star du jour. On souhaitait vous mettre en avant. Donc, c'est l'occasion pour vous de soutenir les actions sociales de cette ASBL qui, tous les ans, offre un soutien indispensable à de nombreuses personnes dans le besoin des lits, de repas, des insertions professionnelles. Et donc, voilà, promouvoir la photo artistique et le travail du photographe en mettant donc en scène les clients. Acteur de ce circuit. Merci à vous. Vous étiez notre presque star du jour. On mettra d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de l'émission C'est Presque Sérieux et sur le site de la première, lapremière.be. Dans la suite, on continue à être presque sérieux, nous, avec des infos concernant Marc Wilmotte. Enfin, des petites infos. On va essayer. C'est-à-dire qu'on a appelé un marabout pour avoir des nouvelles concernant l'avenir de Marc Wilmotte. Et il n'y aura pas que ça, oui, on a une compilation autour de Barroso qui va arriver, qu'on va bientôt vendre, on va mettre ça en vente avec Raoul Reyers. Bref, c'est le programme de C'est Presque Sérieux. On parlera également d'actualité avec Pierre Charette. On parlera de quoi exactement avec vous ? De l'après-foot. L'après-foot. Donc plus de morceaux de David Guetta, tout ça. Voilà, ce sentiment de... de soulagement, comme dirait. Bien rester sur la première, on s'informe juste après ceci, à tout de suite. Bon, chérie, si je te dis au bon repos, tu me dis ? Oh, des prix exceptionnels sur les plus grandes marques de literie et les chambres à coucher. Et sur le linge de maison et la déco. Et aussi sur les canapés, les relax, les tables et les chaises. Mm-hmm. Les soldes du bon repos, on y va ? Oh oui, merci chérie. Les soldes du bon repos, c'est jusqu'au 31 juillet. Et la livraison et le montage sont gratuits. Au bon repos, en toute confiance depuis plus d'un siècle. Au bonrepos.be, 10 place de la Chapelle, au cœur de Bruxelles. Parking privé. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. La chance qu'un riche arrière-petit-cousin Germain vous appelle... Oui, c'est ton riche arrière-petit-cousin Germain. T'as besoin d'argent, dis ? ...est assez réduite. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. La météo. Bonne fin de journée à tous. Les averses vont cesser l'année prochaine, mais avant cela, eh bien, on aura encore quelques averses et même coups de tonnerre possibles. La tendance pour demain, c'est un petit peu la répétition de ce qu'on a connu aujourd'hui, avec déjà des averses un petit peu plus présentes le matin, et puis l'après-midi, comme aujourd'hui, des averses parfois soutenues et localement un coup de tonnerre. Côté température, on ne dépassera guère 16 à 19, voire localement 20 degrés. Jeudi, le rythme des averses sera beaucoup plus limité, mais il ne fera pas encore sec, 15 à 19 degrés pour les maxima. Par contre, vendredi, on peut espérer une petite amélioration, temps sec et maxima de 17 à 21 degrés. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir, Diane. Bonsoir. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dernières années. Deux trains sont entrés en collision dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, près de Bari. Il y a au moins 20 morts. Nous ferons le point dans un instant avec notre correspondante en Italie. Le nouveau chef de la défense, fier et confiant avant son entrée en fonction demain, il s'est confié sur ses objectifs, vous l'entendrez dans ce journal. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation, et c'est avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec une situation sur le Rhin assez calme, 16 minutes supplémentaires quand même pour l'extérieur Grand Bigard au titre, et plus 10 minutes pour l'intérieur Zaventem Cafour-Léonard, et puis toujours des problèmes de ralentissement dans le chantier de Wetteren, entre Wetteren et Zweinard sur le 40 Bruxelles-Ostende. 20 morts, des dizaines de blessés, dont une vingtaine très grièvement. Ce drame s'est passé en Italie, dans les Pouilles, à quelques kilomètres de Bari. Pour une raison encore inconnue, les deux trains circulaient sur la même voie. Ils sont entrés en collision ce matin à 11h30. Notre correspondante en Italie, Valérie Dupont, nous donne les dernières précisions. L'image aérienne diffusée par la télévision italienne est impressionnante. En pleine campagne, au milieu des champs d'oliviers, il ne reste pratiquement rien des deux premiers wagons des trains qui se sont heurtés peu après 11h30 ce matin. Pulvérisé, preuve que les deux trains qui circulaient sur le rail unique qui relie les villes de Bari et d'Andria circulaient à une vitesse relativement élevée. À bord principalement des jeunes et des travailleurs, car cette ligne de chemin de fer à l'intérieur des terres n'est pas fréquentée par de nombreux touristes. Le choc a été violent et les secours ont mis un certain temps pour rejoindre les lieux isolés de tout. Sous une chaleur infernale, les pompiers et les médecins ont dû travailler pendant des heures pour retirer les blessés et les corps de cet amas de tôles. Un enfant en bas âge a été sorti vivant de cet enfer, transporté en hélicoptère à l'hôpital de Bari. La compagnie des chemins de fer responsable de cette ligne est une compagnie privée qui fait circuler ses trains entre Bari et les provinces du nord des Pouilles depuis plus de 70 ans. Impossible pour l'instant d'établir les responsabilités, une erreur humaine ou une défaillance du système qui règle les correspondances, car un train devait encore se trouver en gare. Le président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi, a déjà déclaré « Nous ferons toute la lumière sur les responsabilités ». Et selon le ministère des Affaires étrangères belge, il n'y a pas de Belges parmi les victimes. La Défense aura dès demain un nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Marc Campernol, 59 ans, jusqu'à la numéro 2. Le nouvel officier était présenté à la presse ce midi. Il a confié ses objectifs. En ce qui me concerne, moi j'ai trois objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de sorte que nos hommes et nos femmes qui partent en opération, qui savent faire ça dans des conditions safe. La deuxième chose que j'aimerais bien faire, c'est bien garder et sauvegarder les capacités opérationnelles de la Défense entre ici et 2019. Et la troisième priorité, c'est certainement implémenter cette vision stratégique qui est maintenant sur la table et qui nous donne une direction dans laquelle on peut aller. Il y a les 200 millions qui ont été ajoutés sur la période entre maintenant et 2019. Après 2019, il y a la vision stratégique qui se met en route avec quand même une très grande marge d'investissement qui va nous permettre d'arriver sur l'objectif. Comment est-ce que vous définiriez votre style ? Je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime bien le dialogue et quelqu'un qui donne beaucoup de valeur au teamwork. Je ne suis pas un soliste quelque part dans un coin, je suis quelqu'un qui aime travailler avec des gens. Le lieutenant Marc Campernol au micro de Fabien Vanekout et Tidiem Kouach. Les fonctionnaires fédéraux sont absents 16 jours par an en moyenne, souvent pour du stress, trop de fatigue ou un burn-out. Steven Van de Put, le ministre NVA responsable de la fonction publique, veut remédier à cela. Il avance un plan prévention. Les fonctionnaires pourront par exemple travailler davantage depuis la maison ou encore organiser leur temps de travail, voire travailler de manière temporaire dans le privé. Côté syndicat, on se méfie, on craint des inégalités entre les employés. Alors que pensez-vous de ces solutions ? Quelles sont celles qui sont envisageables ? Ce sont les questions que l'on vous pose demain dans Matin Première. Vous pouvez réagir au 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courrier à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Cette campagne de presse, à présent, vous l'avez peut-être vue ce matin en ouvrant votre quotidien. On y voit des chatons, tous baptisés Carlo, et qui n'aurait aucune chance de survie. Une campagne de l'association de défense des animaux Gaïa. Elle vise le ministre wallon Carlo Di Antonio. Il est accusé de ne pas agir en faveur de la stérilisation obligatoire des chats. Rudi Hermans s'est rendu dans un refuge pour animaux. Cette disposition, Rudi, de stérilisation obligatoire des chats, eh bien, elle est pourtant prévue à l'agenda. En fait, face à la prolifération des chats errants et à l'afflux dans les refuges, le gouvernement fédéral d'abord, le gouvernement wallon ensuite, ont serré la vis. Depuis 2012, les refuges identifient les chats à l'aide d'une puce électronique et procèdent à leur castration. Et depuis 2014, les chatons de particuliers doivent aussi obligatoirement être stérilisés avant d'être vendus ou donnés. Ça a permis d'améliorer la situation, mais pas suffisamment. C'est ce que le Conseil wallon du bien-être animal a fait savoir au gouvernement régional. Sa présidente Claire Diedrich. Il est nécessaire de pouvoir réguler la production des chatons parce qu'un grand nombre de chatons se retrouvent abandonnés dans les refuges. Donc oui, il faut prendre des mesures. C'est également la position des acteurs de terrain comme la Croix-Bleue, Guy Adam, le président. Depuis quelques années, les mesures qui ont été prises ont certains effets. Ils sont encore insuffisants. Il faut poursuivre dans cette voie. Et l'étape suivante, ce sera donc l'obligation d'identifier, mais surtout de stériliser tous les chatons, même ceux qu'une famille souhaite garder, ce que réclame Gaïa donc. Des dérogations seront prévues pour les éleveurs, mais également pour les ménages qui souhaitent que leur chat ait au moins une portée, par exemple. Des détails qui seront prévus dans un texte sur lequel travaille déjà le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio, entré en application prévue en 2017. Après une journée de repos, les coureurs du Tour de France ont retrouvé les routes. Au menu, un col de première catégorie à franchir dès les premiers kilomètres avant un retour à destination de Revel dans le Tarn. En tout, 197 kilomètres à parcourir. Bonsoir Pierre Capard. Bonsoir Diane. Alors la ligne d'arrivée vient tout juste d'être franchie. Effectivement, et c'est l'Australien Michael Matthews de la formation Orica Green Edge qui l'a emporté au sprint devant Peter Sagan, le champion du monde, et puis le Norvégien, champion de Norvège d'ailleurs, Edvald Boasen Hagen. Greg Van Avermaet était bien placé, il était dans ce sprint, mais malheureusement pour nous, il n'a pas su évidemment donner ce petit coup de rein et qui lui aurait permis de remporter une deuxième victoire d'étape dans ce Tour de France. Donc c'est Matthews le vainqueur de cette cette 10e étape ici à Revel. C'est la première victoire d'étape dans le Tour de France pour cet Australien Michael Matthews. À noter que le peloton n'est pas encore arrivé, le peloton avec tous les favoris, notamment Chris Froome, le maillot jaune, ou encore Nairo Quintana, le peloton qui était pointé à plus de 8 minutes dans cette étape, vous l'avez dit, cette étape qui a vu le Tour quitter l'Andorre pour revenir en France ici, et c'est arrivé dans le Tarn à Revel. Donc rappelons la victoire de l'Australien Michael Matthews ici à Revel. Merci Pierre, Pierre Capard qui suivait pour nous cette 10e étape du Tour, et merci à vous de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. 17h08 sur la première, tout le monde est presque là, presque installé car c'est presque sérieux. Effectivement, il fait mauvais, le temps n'est pas au rendez-vous, mais autour de la table de beaux petits rayons de soleil qui revisitent l'actualité de ce 12 juillet. Pour vos petites oreilles, soyez les bienvenus, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Ah, dernière ligne droite avant des vacances bien méritées. 15 juillet, nous tirerons la révérence pour revenir en pleine forme, tout bronzé, avec plein d'idées le 22 août, avec les chroniqueurs, de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles séquences. Bref, on va encore passer une saison folle avec plein de rendez-vous qu'on va vous fixer et des cadeaux que nous allons encore vous offrir. Restez des nôtres, restez presque sérieux. C'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit. Et ils sont justement à l'image de cet état d'esprit. J'en veux pour preuve Corentin Candy. Hey, bonjour Olivier. Bonjour Corentin Candy. Il y a autour de cette table Manu Di Pietro. Toujours là, vous. Et il y a Raoul Reyers. Et Walid aussi. Et il y a Vincent Flibustier. Et Walid aussi. Ouais, qui racontera des histoires dans un instant. Il y a celui qui nous parlera de l'actualité revue et corrigée à sa manière, puisque l'après-foot, il y a un après-foot. Pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, monsieur Wahhabi. Et Pierre Charette nous en parlera. Et vous le savez, nous avons rendez-vous également avec l'histoire, avec un grand H. Cette fois-ci, c'est Laurent Dosset qui vous donnera rendez-vous. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème. Dans un instant, nous aurons des nouvelles sur l'avenir, ou presque, de Marc Wilmots dans le pendant ce temps-là du jour. En attendant, Laurent Dehausset, que vous retrouverez demain entre 13h30 et 14h30 sur la première pour un jour dans l'histoire, a une question, ou plutôt une énigme à vous poser. Tendez l'oreille. J'en ai mis des pâtés, je les tue et ai fini sur le carreau sans récompense. Qui suis-je ? Alors ? Il est devenu fou. Fin de saison pour On parle de salade. Pardon ? On parle de salade. Salse pareille. Ah, bah, gastronomie. On parle de gastronomie, non. On parle pas de salade, laitue. Oui, il y a une histoire de salade, pourquoi pas. C'est l'homme qui a la limace. C'est Jean-Marc Vinaigrette qui est né. Non, c'est pas Jean-Marc Vinaigrette. C'est une naissance, effectivement. Est-ce qu'on pourrait leur mettre une petite fin, un petit coup ? J'en ai mis des pâtés, je les tue et finis sur le carreau sans récompense. Qui suis-je ? Des proches ? Des proches, non. Un boxeur ? C'est pas un boxeur. Ça concerne la nourriture. Non, ça ne concerne pas la nourriture, mais si vous prenez... Une bagarre, une grosse mot bagarre. Mot par mot, il y a des liens qui peuvent vous ramener à la personne en question. Bagarre, salade... Ah non. Laitue. Alors, si je vous dis... Une tortue ? Non, pas la tortue. C'est D'Artagnan. D'Artagnan, non, pas du tout. Pas D'Artagnan. C'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage, ah ouais, qui a marqué l'histoire de son empreinte. Et, il y a très longtemps ? Il y a très longtemps. Ah. Il y a très très longtemps. Ah, oh. Oh, oh. J'en ai mis des pâtés. J'en ai mis des pâtés. Je les tue. Et les tue est un indice. Michael Modricamen. Non. Mais c'est la laitue, la salade. Oui, la salade. Une salade en particulier. Romaine. La salade romaine. Ah, vous dites Jules César. Jules César. Ouais. J'en ai mis des pâtés César. Le pâté César, bien sûr. Hein, pour... ouais, bon. Ouais. Je les tue. Ah, la salade César. Et finis sur le carreau. Le roi César, un des quatre rois, eh bien c'est Jules César, faut le savoir. Je ne comprends rien. Le roi de carreau dans les cartes. Dans les cartes, c'est Jules César. Ah oui. Et sans récompense. Pas aux cartes, mon ami. Sans récompense. Pour certains jours. Les Césars, effectivement, Jules César, celui qui a mis Vercingétorix à genoux et qui a eu la Gaule. Donc Jules César, Caius. Bravo. Il faut que vous salissiez tout. Mais ne voyez pas le mal partout quand même. Jules César. J'ai eu la Gaule et j'ai eu bon. Qui voit le jour à Rome, Jules César, contrairement aux idées reçues, Jules César n'a jamais été couronné empereur romain, il était impérateur César, hein, comme Pompée par exemple, ce qui signifie général victorieux. Oh, le nom de César est devenu un titre honorifique et alors en moins 8, l'empereur Auguste, et ça je l'ai découvert aujourd'hui, décida de rajouter un jour au mois d'août. Pour quelle raison? C'était son anniversaire. Non. C'était juste simplement pour avoir 31 jours, plus donc que le mois de juillet, qui est le mois de Jules César, effectivement. Donc voilà, ce jour a été substitué au mois de février, qui à l'époque était le dernier de l'année. Jules César qui a eu un enfant avec Cléopâtre aussi. Césarion, c'est comme ça qu'il s'appelait. Non, je vous promets. Il est beaucoup moins connu. Non, mais il n'a pas pu monter sur le trône puisque... il était trop petit. Non, les Romains à l'époque, c'était le droit romain, on vous interdisait de vous marier avec quelqu'un qui n'était pas romain. Voilà, donc voilà. Ah, oui. C'est peut-être bien un mariage blanc d'ailleurs. Hein. C'est vrai, donc César qui est enfant avec Cléopâtre. Les rois qui ne sont pas les seuls figurent d'ailleurs dans de personnages puisqu'on retrouve dans ces fameux rois comment on appelle, Lancelot du Lac, c'est à votre avis lequel? Dans les jeux de cartes, ah ouais, vous jouez pas aux cartes. Le pic. Non, c'est le trèfle, c'est le valet de trèfle, effectivement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Hector, héros de la guerre de Troie, tué par Achille, c'est lequel lui? Le 10 de carreau. Ah, c'est le carreau. C'est le carreau, c'est le valet de carreau. Ah voilà, comme ça, on a fait le tour des... J'ai compris, moi, votre blague, Vincent. Des cartes. Bon, Auguste, je n'ai pas compris. Auguste? Auguste, c'est le mois d'août. Ouais, le clown. Si on passait pendant ce temps-là, avant les histoires de Vincent Flibustier, et tout coquet fini, comme disait l'autre. Hein. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, l'avenir de Mark Wilmot sera connu au plus tard vendredi. Oui, mais vous pouvez toujours demander à Stéphane Poels ou... Oui. Ouais, bonjour. C'est moi, j'appelle pour l'avenir d'un ami, Mark Wilmot. Mark Wilmot. Mark Wilmot, c'est quoi ça? C'est un ami à moi. Est-ce qu'il va rester ou pas? Il va partir. Ouais. Bah, et vous êtes où? Comment vous appelez-vous? Moi, Mark Wilmot. Oh. Mais écoute, la personne que vous voulez savoir, lui, s'appelle Mark Wilmot. Pourquoi tu t'appelles Mark Wilmot? Ah, mais parce que je m'appelle aussi Mark Wilmot. Pourquoi tu t'appelles Mark Wilmot? Et pendant ce temps-là, Algérie, 2 ans de prison pour un blogueur accusé d'offense au président Bouteflika. C'est pas une offense, c'était une chanson. C'est comme une Bouteflika. Mon Dieu. Qui roule. Mon Dieu. C'est comme une Bouteflika. Et pendant ce temps-là, Barroso chez Goldman Sachs, la commission ne condamne pas. La preuve. Découvrez les tubes de Jean-Jacques Goldman Sachs. Encore un emprunt pour les bons à rien. Les tubes de Jean-Jacques Goldman Sachs. Je te vole. Ouh, je te vole. Jean-Jacques Goldman Sachs. À la région wallonne. On, l'économie décolle. À la région wallonne. On. L'économie décolle. L'économie décolle. Ce craquage. Bonjour, messieurs Vincent. C'est sublime. La production est sublime. On a commencé sur du Michel Leb, on a terminé sur du Jean-Jacques Goldman. Ah, mais voilà, il faut se faire. C'était fait sur un coin de table. C'est quand le clip? Littéralement. À quand le clip? Non, mais écoutez, voilà. Raoul Reyes devant le Parlement européen. À un moment donné, on s'est dit, faisons-nous plaisir. C'est la fin de l'année, il faut s'amuser de tout. Voilà, et donc toujours pas de nouvelles sur l'avenir de. Si, en fait, je vous explique tout. Quand j'ai appelé, le gars m'a dit, vous me rappelez dans 15 minutes. Et je vous dirai ce qu'il va devenir. Je lui donnais la date de naissance de Mark Wilmot. Donc peut-être que demain, j'en saurai plus. Donc rendez-vous. Notre numéro, non? Au prochain. Mais demain, on le saura aussi. Oui. On a dit vendredi normalement. Ah ouais, donc voilà. Vincent Flibustier, deux histoires, l'une d'entre elles est vraie. Oui, mais laquelle? Et oui, vous le savez, 42% des Américains pensent que l'homme a été créé dans sa forme actuelle il y a 6000 ans. 42% des Américains votent Trump aussi, mais n'y voyons pas de cause à effet. Et 0,4% des astronautes ont rencontré Dieu sur la Lune, et c'est le cas de James Irwin, un astronaute de la mission Apollo 15, qui après avoir trouvé la foi sur la Lune, rencontré Dieu, a consacré sa vie à chercher l'Arche de Noé en Turquie, sans succès, comme quoi on peut aller sur la Lune, mais être un peu con quand même. Astronaute qui rencontre Dieu. Deuxième histoire, Vincent. Ben oui, on parle beaucoup pour le moment de la reconstitution de l'Arche de Noé par des créationnistes dans le Kentucky. Une Arche de Noé taille réelle, haute de 7 étages, 120 mètres de long. Une Arche de Noé, on pourra admirer des couples de moutons, de chevaux, mais aussi de tyrannosaures, parce que oui, Noé a sauvé deux dinosaures. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Un projet pharaonique à 100 millions de dollars qui devrait être terminé pour 2017. Ce qui est rigolo, c'est que le Kentucky était sujet à des terribles inondations et tempêtes cette semaine. L'arche ayant été construite dans une fosse, elle a été complètement immergée et à moitié détruite par les eaux. Ironie du sort ou signe divin, à vous de voir. Mais comme dirait Raoul, moi j'ai bon. Alors, deux histoires. L'une avec cette arche de Noé où l'astronaute qui rencontre Dieu. Un ou deux, Corentin Candy ? L'Arche de Noé, moi. L'Arche de Noé, Raoul Reyers. Moi, je trouve les deux histoires complètement starbées, mais je prends quand même l'astronaute. Ok, on va demander à Pierre Charette. Je prends l'astronaute aussi. Mm-hmm. Et enfin, Manu Di Pietro. Alors, l'Arche de Noé en construction, elle existe effectivement, mais je crois que c'est la première. Alors, Vincent Flibustier, roulement de tambour pour découvrir... l'histoire vraie du jour. Ben oui, l'Arche de Noé à 100 millions de dollars existe bien, mais n'a malheureusement pas encore été détruite par les eaux. Par contre, ce projet est vraiment bien stupide. Les créationnistes ont obligé les travailleurs à signer une charte de bonne conduite, et par bonne conduite, ça veut dire ne pas être homosexuel notamment. Et il y a donc bien un astronaute qui a trouvé Dieu sur la Lune dans les années 70 et a passé le reste de ses jours à chercher l'Arche de Noé en Turquie. Et c'est assez triste comme histoire finalement, parce que lors de sa première expédition, il sera gravement blessé et mourra de chagrin parce qu'il ne trouvera jamais l'arche. Ah ben voilà une belle histoire en ce mardi 12 juillet à 17h18. On revient et on revisite cette actualité, l'actualité de ce mardi où vous soyez dans notre beau royaume. Il y a Pierre Charette qui s'intéresse lui à l'après-foot. Oui, il y a un après-euro. Restez avec nous, ça arrive. Je vous hais, footballeur. Vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. C'est presque sérieux sur la première. Ciné-Expo, si proche de vous. Ciné, antiquité. Une fidélité, une tradition. Tous les objets ont une histoire et ne demandent qu'à entrer dans la vôtre. Plus de 200 antiquaires, brocanteurs et collectionneurs professionnels. Ciné-antiquité. Du 15 au 17 juillet au Ciné-Expo. Plus d'infos sur cinéexpo.be. Ciné-Expo, si proche de vous. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable. Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Dit, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors ? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. La première, Mobile Info. Et à 17h20, Pierre Collard-Bovy, la météo joue des tours à nos automobilistes chéris. Bah écoutez, je ne sais pas, on ne voit pas grand-chose d'ici, on est enfermé dans notre studio. C'est vrai, On annonce des chutes de pluie partout, bien évidemment, donc soyez extrêmement prudents. cela étant, la circulation s'épaissit sur le ring de Bruxelles. 21 minutes supplémentaires pour l'extérieur, Grand Bigard au titre, plus 13 minutes pour l'intérieur, Grand Bigard Zaventem, plus 12 pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard, plus 11 pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard. Toujours des ralentissements sur le camp de Bruxelles-Ostende dans le chantier entre Wetteren et Zwijnaarde. Vers Ostende, vers la côte, donc vous perdez plus ou moins 35 minutes entre Herpemer et Zwijnaarde. Vers Bruxelles, dans l'autre direction, vous perdez une vingtaine de minutes au même endroit. Puis il y a des répercussions sur la nationale 9 venant de Bruxelles notamment. En tout cas, vers Gand, vous perdez 45 minutes et vers Alost, dans l'autre direction, donc plus ou moins 10 minutes. Un objet encombrant sur le 42 Mons-Liège à Grasse-Leune. C'est une palette qui est sur la bande droite en direction de Liège. Et puis des ralentissements également à la frontière française sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem, 22 minutes perdues en direction de la France. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Et c'est justement cet état d'esprit qui rythme vos fins d'après-midi sur la première. Nous sommes presque sérieux autour de la table. Manu Di Pietro, Corentin oui. Candy, Vincent Flibustier, Raoul Reyers et Pierre Charette. Lui-même. Pierre, pendant un mois, l'Euro de football a rythmé notre quotidien. Et depuis dimanche, eh bien voilà, c'est fini. Cher journal, 12 juillet 2016, la vie sans l'Euro, jour 2. Perte d'appétit, flemme, maux de tête, sueur froide, chute de tension. Non, rassure-toi, cher journal, j'ai fait le test. Je ne suis pas enceinte. Et quand j'ai dit j'ai fait le test, j'ai vraiment fait le test. Il sort vraiment un test de grossesse. Non, je ne toucherai pas ça. Que j'ai vraiment fait. Votre avis, pourquoi est-ce que j'étais en retard? Ah, vous avez du retard. Donc non, je ne suis pas enceinte. Je suis en syndrome post-traumatique de Leroux. Ça m'était déjà arrivé après la saison 5 de Game of Thrones. La différence ici, c'est que je peux te spoiler la fin. C'est le Portugal qui gagne. Bref, j'ai le vague à l'âme, j'ai le spleen, j'ai l'air contrit. Appelle ça comme tu veux. En fait, je me sens comme Corentin Candy le lendemain d'une soirée passée avec Myriam Leroy. Ou comme Raoul Riers le lendemain d'une soirée passée avec une plancha. Je me sens comme cette pauvre fille après un mauvais coup d'un soir, avachie en jogging dans le divan, en train de manger du Nutella à la cuillère et d'hésiter à sortir acheter une pilule du lendemain. Oui, moi aussi, j'hésite à acheter une pilule du lendemain. Ouais. Oui, je suis comme cette pauvre fille après un mauvais coup d'un soir, cette pauvre fille qui espérait qu'on lui nettoie l'étoile d'araignée. Oh dans non, la non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ou qui se serait contentée d'être prise en compte. Non, non, non, non. Et qui, au final, n'aurait même pas vu un hat-trick. Alors oui, cet euro, c'était un mauvais coup, mais un mauvais coup dont on a quand même la nostalgie, parce qu'il y a quand même eu des raisons de se réjouir pendant cet euro, par exemple. Non seulement il n'a pas eu d'attentat, mais j'ai même lu qu'il y avait eu une chute de criminalité en France ce mois-ci. Oui, enfin, si bien sûr on accepte l'immense hold-up à la fin. Ouais. Tu sais, cher journal, tout à l'heure, je suis sorti, j'ai croisé un Portugais et c'était affreux. J'ai même pas pu l'insulter. Non. Mais oui, ça avait ça de positif, l'euro un mois pendant lequel on pouvait crier et insulter les étrangers en toute impunité. Ce n'était pas du racisme, c'était du football. Mieux, pendant un mois, les musulmans ont pu souffler. Le racisme s'était trouvé une autre activité, de nouvelles cibles. Dimanche, c'était les maçons, les concierges, les femmes de ménage, les poilus et les morues. Enfin bref, tout ce qui était portugais. Pareil, jusqu'à avant-hier, accrocher un drapeau à votre fenêtre vous faisait passer pour un footix un peu beauf, c'est vrai. Désormais, accrocher un drapeau à votre fenêtre vous fait à nouveau passer pour un facho. Cher journal, je t'écris devant la télé et dedans plus de Benjamin Dessenac, qui après un mois enfin put tondre sa pelouse. À la place, c'est le retour de Louis Labrocande, de Joséphine Ange-Gardien et pire que tout, des rediffusions d'un gars en chef. Manquerait plus que je me tape le Tour de France. Tu sais, cher journal, même les prophéties de Stéphane Poels vont me manquer. Stéphane Poels qui, pendant un mois, a fait des pronostics aussi fiables que le tarot d'Ingrid Lapaille. Alors qu'il est l'égérie d'une société de paris sportifs, même cette ironie ne me fait plus rire aujourd'hui. Tu sais, cher journal, même les jeux de mots sucés, ressucés de mes amis sur Facebook vont me manquer. Antoine Griezmann, Didier Deschamps, Lucas Coutbit. Oh non. Pardon, tu comprends mieux quand je te parlais de jeux de mots sucés, ressucés. Cher journal, je te laisse, je vais faire ma déclaration d'impôt sur Taxon Web. J'espère ainsi pouvoir me remettre le moral au beau fisc. Oh. C'était le dernier jeu de mots de l'année. Sacré chute. Pierre Charette. Attention, le site de Taxon Web est un peu foireux. Bon. Ah, oui, il y a embouteillage. Et ça, Pierre Collard-Bovis ne nous l'a pas dit. Hein, ça, sur les autoroutes, ça va, ça y est. Mais sur le web, ça surfe. Effectivement, vous avez un délai. Et ce délai, c'est demain. C'est demain. Essayez vers 3h30 du matin. Voilà. Il y a un relâchement. Un meilleur trafic, on va dire ça comme ça. Allez, à 17h25, avant de retrouver Soir Première et Pierre-Yves Meugen, c'est le presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Est terminée. Un mot pour résumer l'actualité du jour que vous avez retenu pour nous, Corentin Candy. Et je sais pourquoi je le choisis tout de suite, parce que c'est le seul que je le vois souffler. Que j'ai fait... Depuis le début de l'émission, je me dis que j'ai oublié. Il y avait quelque chose que j'avais oublié, mais je ne savais pas quoi. Alors, il n'a pas oublié ça. Vous avez lu la presse du jour, qu'est-ce que vous retenez? Eh bien... Hyundai prend le virage de la voiture propre, je trouve ça vraiment super. Deux autres marques. Allez-y, deux autres marques. Non mais je... Opel bien, aussi. Vous connaissez pas d'autres marques de voiture. L'Espagne et le Portugal, fameux dérapage budgétaire, mais je vois pas jusque l'ordinateur de Vincent. Il est sur les dépêches belgiques. Ouais, c'est ça. Merci, Corentin Candy. Donc c'était votre dernière chronique de la saison. Vendredi. Bon, alors n'oubliez pas vendredi. Il y a non pas un presque mot de la fin, mais il y a un Philippe. Ah ok. Mais ce sera un Philippe de la saison. Ah ouais. Ah ouais, puisque vendredi on aura une émission J'espère un peu spéciale. On ne choisira pas tous le même. Avec un groupe Chico et Mendes qui viendront nous mettre un peu de soleil dans nos oreilles. Et puis on aura une autre surprise que je vous annoncerai quand j'aurai appelé la personne mentionnée. Vincent Flibussier, presque au mot de la fin. Eh bien, c'est Kim.com, le fondateur de Mega Upload, qui en 2012 avait fait les gros titres. Il est un peu maigri. Il avait gagné beaucoup d'argent et puis bon, il avait un peu été arrêté, tout ça. Bah, il promet qu'il va refaire revenir Mega Upload et qu'il va donc faire un gros fuck à tout le monde. et ça me fait beaucoup rire. Ah bah voilà. C'est vraiment une bonne info en tout cas celle-là. Ouais, parce que vous l'aviez choisi. Exactement. Vous avez une autre info pour nous ? Le Mark Cook, le président d'Ostend et d'Omega Pharma, qui va lancer une BD dont il est le héros. Ah ouais. Vous savez qu'il a beaucoup d'argent et qu'il est assez festif et qu'il offre des tournées à tous ses supporters. Il fait un truc à Durbuy, il a un nouveau parc. Si, tout à fait. C'est lui aussi. Et donc il a une nouvelle lubie. Il va faire une bande dessinée dont il est le héros. Ah. Je pense qu'il sera. Ah bah voilà. Raoul Reyes. Écoutez, c'est, je vais dire, très cher. C'est-à-dire ? Eh bien, 2 millions de dollars pour l'expérience culinaire la plus chère du monde. Expliquez-nous cette expérience culinaire. Ça dure une journée. Mm-hmm. Vous faites tout. Ça va se passer à Singapour, hein, à tour en hélicoptère, les plus belles voitures. Mais il y a le repas du soir, ouais, qui est exceptionnel. Je vous le lis, on a le temps. Là. Allez-y. On doit un peu remplir. Donc, le menu dégustation servi au coucher de soleil comprendra notamment l'huître belon à l'émulsion de champagne, du caviar almas, du jambon ibérique ou encore du foie gras poché au gewürztraminer, riz d'agneau consommé de poulet de Bresse, bar rayé, saumon sauvage d'Alaska, sorbet au verjus. Ça nous met en appétit. Vous savez quoi, on n'a pas les moyens pour nous. C'est 2 millions d'euros pour... Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous repartez avec un diamant. Ah oui, en plus. Le diamant qui était taillé à l'époque pour Jane Seymour. Mmh. Qui, Mais du coup, c'est unique, en fait. Il n'y a qu'une personne qui pourra... Enfin, une personne, mais c'est pour deux personnes. Et on subodore que ce serait un très beau cadeau de mariage. Ah ben, vous m'étonnez que c'est un très beau cadeau de mariage. On va poser la dernière question, et cette question à Manu Di Pietro. Oui, c'est Boomerang qui revient dans la figure de Geert Bourgeois, puisque l'ONSS a dit que finalement, les Flamands faisaient la grève presque tout autant que les Wallons. Ah bah voilà, merci à Manu Di Pietro, merci à Pierre Charette, merci à Corentin Candy, merci Vincent Flibussier, merci Raoul Reyes, nous serons de retour demain, même endroit, même heure, 16h-17h30, pour passer une heure et demie autour de l'actualité dont nous en parlerons, avec laquelle nous allons jouer, nous amuser, la décortiquer. En tout cas, faites-vous plaisir en podcastant l'émission du jour sur le rtbf.be/ovio, sur le site de la première.be. Rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission. Et rendez-vous sans plus attendre avec l'information sérieuse. C'est Pierre-Yves Meugen tout de suite pour Soir Première. Ça se passe sur la Première. Midi 13h30. La grande tranche d'information de la mi-journée qui vous donne la parole face à des experts. Société, politique belge et internationale, actu économique et financière. Donnez votre avis, posez vos questions, échangez vos idées aux côtés de Fabienne Van der Merch dans Le Forum. Midi 13h30. C'est Midi Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. Ça se passe sur la première. Laissez-vous dévoiler la période la plus riche de l'incroyable histoire de l'enregistrement. Découvrez des documents rares, insolites, écoutez des témoignages inédits et non réédités. L'émission Réante, où le temps n'existe pas, c'est La Troisième Oreille, orchestrée par Marc Danval. Le samedi de 14h à 15h sur la première et 24h